Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nantes, grève, réflexion, manif. Et puis des blagues! Et salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne et on est toujours, encore et toujours, enfin pour quelques heures encore, le 16 septembre 2019. Et on va commencer l'agenda. Donc on va commencer par l'agenda, par un événement qui se passe à Angers. Et c'est l'Assemblée Générale du RAR, donc le Ravitaillement Alimentaire Autonome Réseau d'Entraide. Donc ça se passe à l'Étincelle qui est au 56 boulevard du Doyenné. Et donc c'est ce jeudi 19 septembre à partir de 18h. Donc le RAR fait sa rentrée à l'Étincelle. C'est une assoc qui vise à rapprocher les luttes urbaines et rurales autour du thème de l'alimentation. Donc le but c'est de ravitailler des personnes en situation de grande précarité, qui vivent en squat, SDF, etc. Les luttes urbaines en cours, les piquets de grève, les cantines de soutien, et à acquérir une certaine autonomie alimentaire depuis la ville. Donc voilà, l'ordre du jour de cette rentrée du RAR, c'est une présentation des principes et de l'historique du RAR, quel ravitaillement, qui ravitailler, comment nous produisons, comment nous structurons notre réseau, comment intégrer le RAR, sous quel statut, et c'est quoi les prochains chantiers et événements à venir. Donc après, il y a un pot de l'amitié, on va dire. Donc du bon vin et de la bonne bière du coin. Donc voilà. Le vendredi 20 septembre à 19h, le collectif Street Medic Nantes organise un groupe de parole en soutien face aux violences policières. Alors, il s'agit d'un groupe de parole animé par une psychologue qui sera en binôme avec un ou une membre de Street Medic Nantes pour animer. Donc c'est un groupe de parole où le but c'est que collectivement les gens puissent échanger sur leur expérience cette fois-ci par rapport à la garde à vue. Donc cet atelier est réservé à des gens qui ont subi une ou plusieurs gardes à vue et qui éprouvent le besoin d'échanger là-dessus dans un cadre bienveillant, sécurisé émotionnellement le plus possible, anonyme et à prix libre. L'atelier dure environ une heure et c'est sur inscription. N'hésitez pas à vous inscrire parce que en dessous de 3 personnes, l'atelier est annulé. Vous pouvez vous inscrire soit en contactant Street Medic Nantes par message privé via leur page Facebook ou directement par mail à Street Medic Nantes, tout au singulier, sauf le S à la fin de Nantes, at riseup.net. Du coup, après vous être inscrit, le lieu exact de la séance vous sera communiqué dans un souci de confidentialité. Et ça se passe dans le centre-ville de Nantes le vendredi 20 septembre à partir de 19h. Ça se termine aux alentours de 20h30 en général, parce que le groupe de parole animé par une psychologue, du coup, sera poursuivi par un temps d'échange, de partage d'expériences et de conseils pratiques sur les stratégies anti-répression qu'il est possible de mettre en place. C'est sous une forme assez libre, selon les questions que les gens qui participent ont envie d'aborder, s'il y a besoin de revoir, de refaire un petit point légal, un petit point sur... de la défense juridique, sur des moyens d'autodéfense en manif, on peut parler un peu de tout. Le but, c'est aussi de se détendre après. Voilà, voilà. Et donc, ça, c'est vendredi. Et si on revient la veille, toujours le jeudi, ce coup-ci à Nantes, il y a une soirée de présentation des féministes révolutionnaires. Alors c'est qui? Alors là j'ai un long texte de présentation, j'ai essayé de le parcourir. Donc ça se passe à partir de 19h30 à la Maison Café. C'est la Maison Café, donc la rencontre se fait dans le grenier de cette maison, qui est sise au 4 rue Lebrun à Nantes, près de la rue Joffre. Donc ça c'est jeudi 19 septembre à partir de 19h30. Et donc c'est une soirée de présentation du collectif féministe révolutionnaire. Donc voilà, alors il est dit que la soirée sera suivie d'un collage dans les rues de Nantes. Le collectif dénonce les féminicides, le travail domestique, donc l'exploitation du travail des femmes, les inégalités salariales, et donc met plus en avant les grèves des femmes à l'international qui se sont multipliées ces dernières années, donc qui montrent que la lutte contre le patriarcat est de plus en plus visible et organisée. Le féminisme du groupe féministe révolutionnaire s'adresse à toutes les personnes qui veulent militer avec LE, à l'intersection des luttes féministes, anticapitalistes, antiracistes et LGBTQI+ et écologistes. Donc c'est un féministe qui est révolutionnaire parce qu'il vise les structures et systèmes des oppressions et des dominations. Le groupe fait beaucoup de liens avec le capitalisme, qui s'est notamment développé grâce au travail domestique et gratuit des femmes, qui a rendu disponibles les hommes pour le travail salarié. Donc voilà. Évidemment, du coup, il y a le lien est fait avec le système capitaliste à tous les niveaux. Il est précisé que le féminisme du groupe féministe révolutionnaire est antiraciste, donc qu'il ne peut pas être pensé indépendamment des autres rapports de domination, notamment l'exploitation économique, mais aussi le racisme, donc le racisme d'État, systémique, etc. Donc voilà. Et il est également écologiste, puisque le capitalisme est vachement lié à la pollution à la culpabilisation des plus pauvres par les gouvernants. Sur les questions d'écologie. Donc le collectif féministe révolutionnaire est mixte. Là, il est dit toutefois, mais je vois pas pourquoi il y a toutefois, mais bref. L'aménagement de temps en non-mixité est pour LE un outil fondamental et nécessaire pour soutenir la prise de parole et construire les luttes. Donc ça, c'est à Nantes ce jeudi 19 septembre à partir de 19h30 à la Maison du Café dans le grenier, aux 4 rue Lebrun à Nantes près de la rue Joffre. Le vendredi 20 septembre à partir de 14h à l'occasion de la troisième marche pour le climat, il y a la constitution d'un Green Bloc anticapitaliste. Donc au printemps dernier, il y a eu deux grandes marches pour le climat. Donc il y a eu pas mal de lycéens, d'étudiants et de jeunes, d'une façon générale, et de jeunes et de moins jeunes. Ils sont descendus dans les rues de Nantes. Donc là, il y a la volonté de faire entendre l'écologie radicale dans ces rassemblements-là. Donc et dire que cette écologie ne peut être que anticapitaliste et alliée aux autres luttes féministes, antiracistes et décoloniales. Donc voilà, donc il y a un appel à rejoindre ce Green Bloc anticapitaliste ce vendredi 20 septembre à partir de 14h à Nantes. Ce samedi 21 septembre à partir de 14h30, donc le rendez-vous est au Miroir d'eau à Nantes. Il y a l'espace Simone de Beauvoir qui organise une balade commentée sur le thème Les femmes dans l'histoire de Nantes. Donc ça se fait à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Une invitation à découvrir le patrimoine nantais avec la balade commentée Les femmes dans l'histoire de Nantes menée par Marie-Françoise Gonin. Donc pour découvrir quelques Nantaises remarquables dans l'histoire des femmes de Nantes. Certaines sont devenues célèbres, d'autres ont été oubliées ou sont restées quasiment anonymes. Pourtant, elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, participé à l'histoire de Nantes. Alors, c'est gratuit sur inscription. Il y a un numéro de téléphone qui est le 02 40 12 15 18. Le 02 40 12 15 18. Et ou alors par mail à contact@espace-du-6-2-6-beauvoir.fr. Et les places sont limitées à 40 personnes. Donc voilà, donc ça, c'est. Ce samedi 21 septembre à 14h30, le rendez-vous est au Miroir d'eau et il faut s'inscrire. Toujours ce samedi 21 septembre, ce coup-ci à partir de 15h à Angers, le rendez-vous est donné place du Pilori pour un rassemblement pour la fermeture du local fasciste l'Alvarium. Donc il y avait eu une tentative d'ouverture d'un local de fachos il y a plusieurs mois qui a été un petit peu perturbé par la mobilisation antifasciste. Voilà, c'est ça. Il a été ouvert et fermé sous la pression parce qu'ils étaient locataires de ce local. Et là, ils ont un local dont ils sont propriétaires et ils veulent se servir de ce local-là pour retenter l'expérience. Allons-y. Donc, s'ils veulent retenter l'expérience, retentons l'expérience de la fermeture de ce local fasciste de l'Alvarium. Donc, c'est à 15h à Angers ce samedi 21 septembre. Le rendez-vous est place du Pilori. Alors, un petit peu plus loin dans le temps, pour prendre un petit peu d'avance, le vendredi 27 septembre, à partir de 19h15, je ne sais pas pourquoi 19h15, mais pourquoi pas, à Saint-Nazaire, il y a la soirée d'ouverture d'un local autogéré, donc suivi par un week-end de soutien, donc du 27 au 29 septembre. Donc, je ne sais pas pour les gens et les gens qui connaissent B17. C'est un petit peu le même genre de projet à Saint-Nazaire. C'est le centre, le lieu sera dénommé le centre Fernand Pelloutier. Fernand Pelloutier étant un syndicaliste révolutionnaire originaire de Saint-Nazaire. Donc du début, fin 19e, début 20e. Ça va être un local qui sera ouvert à toute personne, collective et collectif, dans la mesure où ces collectifs s'engagent à respecter la charte du lieu. Qui en gros consiste en l'autogestion et le combat contre toutes les formes de discrimination et d'oppression. Donc il y a un site, enfin il y a un blog. C'est https deux points de slash ladm.noblogs.org. Donc pour avoir plus d'infos, notamment la charte. Le vendredi à 19h15, ça commence par un repas sous la forme d'auberge espagnole. À 20h30, il y a une discussion sur le thème hôpital en partenariat public-privé, histoire d'un désastre inachevé, en présence de Nicolas de la Cazinière, auteur de Services publics à crédit. Voilà. Le samedi à 14h, une discussion genre et espace public. Donc les espaces publics ne sont pas utilisés et vécus de la même façon selon le genre des personnes qui y circulent. Donc voilà, donc c'est une discussion sur ce sujet. Donc qui sera animé par des militantes de l'éducation populaire. Donc voilà, qui proposeront d'abord une courte intervention et ensuite il y aura un échange. À 15h45, ils sont très très à cheval sur les horaires, on dirait. Une discussion sur histoire et actualité des bourses du travail en Loire-Atlantique, présentée par Christophe Patillon, un historien. Donc, qui est animateur chercheur au CHT de Nantes, au Centre d'Histoire du Travail. À 17h15, donc une discussion sur le thème Pour une mémoire vive, raconte-moi la commune de 1871. Donc voilà, ça sera animé par Gérard Lambert-Ullmann, un Nazarien et internationaliste et ex-libraire de La Voix au chapitre. À 19h, une bouffée apéro. À 20h30, un concert de Prince Ragard en acoustique. Et très important quand même, à 23h, 23h30, un rangement et fin de soirée. Donc faut être là jusqu'au bout. Hein. Le dimanche 29 septembre, toujours là-bas. Hein. Toujours. Ah oui, j'ai pas encore donné l'adresse. Je la donnerai à la fin, comme ça on est obligé d'écouter jusqu'à la fin. À midi, il y a un repas. À 14h, une discussion sur le thème Dans l'ombre de l'histoire ouvrière, femmes au travail et en lutte au 19e siècle. Donc Dominique Loiseau, qui est une historienne et sociologue, va nous causer de tout ça. Elle a publié les ouvrages Femmes et militantisme en 96, Marre d'être sage, texte vagabond à partir de photographies sur le mouvement ouvrier et les femmes en 2008. Et avec Elsa Solal, battement d'ailes, cliché féminin masculin aujourd'hui en 2015. À 15h30, il y aura un retour sur l'occupation de la maison du peuple de Saint-Nazaire, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Donc des personnes qui ont participé raconteront leur vécu de cette aventure. Et enfin, pour finir, à 17h15, une conférence spectacle autour de la connerie militariste d'expression française par la compagnie La Palissade. Lucien et Thierry. Je ne sais pas qui sont Lucien et Thierry, mais c'est des gens qui travaillent avec la compagnie La Palissade, on dirait. Donc tout ça, c'est donc pour l'ouverture du local Fernand Pelloutier à Saint-Nazaire, qui est ici au 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Ça, c'est vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 à Saint-Nazaire. Et ça a l'air super chouette. Très chargé et super chouette. Et pendant ce temps, un petit peu à l'opposé, mais à Angers, il y a la rentrée de la Grande Ourse qui se déroule à l'Étincelle, au 56 boulevard du Doyenné. Donc c'est un petit peu pour reprendre la lutte autour des questions qui ont animé la Grande Ourse. Donc la Grande Ourse, qu'est-ce que c'est? On pourra sur... Oui. Oui, on proposait de peut-être repasser le podcast qui a été réalisé cet été sur la Grande Ourse. Bah, c'est une très bonne transition du coup, puisque c'était la dernière actu de cet agenda. Mais c'est à cause de cette actu que j'y pensais. Hein. Oui. Et du coup voilà, la Grande Ourse, donc, qui était un des anciens locaux de la CAF à Angers, ont été expulsés début août. Donc le 5 août, plus précisément. Donc la Grande Ourse fait sa rentrée. Alors non, l'expulsion était le 31 juillet, pardon. Et la manif le 5 août, si je comprends bien. Et voilà, donc toc-toc-toc, c'est à l'Étincelle. Et il y a une bouffe qui est organisée par du cœur au ventre et des concerts pour clôturer la journée. Donc le début de la journée, c'est à 15h, c'est à l'Étincelle, 56 boulevard du Doyenné. Alors je sais pas s'il y a des choses à ajouter sur cet agenda qui était un peu fourni, je suis vraiment désolé. On peut peut-être passer un peu de musique avant de passer le podcast sur la Grande Ourse. Thank you. Et nous sommes toujours là, il est 22h39. Et on va compléter un tout petit peu l'agenda qu'on vient de faire. Oui, je sais, il était déjà long. Et on le complète quand même. Vous allez nous dire, Radio Cayenne, vous avez vraiment plus rien à raconter? Oui, bon, ça suffit. Hein. Si vous voulez compléter vous-même, bah, rejoignez-nous, voilà. Bref, du coup, on avait oublié de donner dans l'agenda les dates en rapport avec la semaine de démission générale, dont on avait vaguement parlé, je crois, la dernière fois, je ne sais plus. C'est une semaine, du coup, pour déconstruire notre rapport au taf et imaginer une société post-valeur travail. Bon, il y a un peu des gros mots dedans, mais ça a l'air quand même assez intéressant. Et du coup, il y a des rencontres toute la semaine. Donc, il y avait un apéro ce lundi, mais demain, il y a de 19h à 23h au bar Le Baroudeur, qui est rue Joffre à Nantes. Du coup, un after-work, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Ouais, bref, une discussion après le taf, je dirais plutôt. Sur Travailler moins pour vivre mieux, organisé par le collectif Travailler moins. Voilà, aucune idée de qui c'est et de ce que ça vaut, mais bah, si vous avez envie de savoir, allez voir. Mercredi 18, il y a un atelier de 19h à 21h à la gare de l'État, salle A, qui est 25 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes. C'est la maison des syndicats, me dit-on. Et du coup, c'est un atelier sur créer une entreprise collective Collapso par l'association Ruad. Il faut s'inscrire. Ouais, ça ne m'étonne pas. Bref. Ensuite, jeudi 19, il y a on va dire une conférence, ou je sais pas trop, une discussion. La coopérative protège-t-elle du capitalisme? C'est organisé par la CNT, qui est un syndicat nantais, enfin entre autres, de 19h à 22h à B17, 17 rue Paul Bellamy. L'entrée est libre. Vendredi 20, pareil, une discussion, ou je sais pas. Et si on essayait la coopération intégrale, organisée par la coopérative intégrale nantaise, de 19h à 22h, toujours à B17, 17 rue Paul Bellamy, et l'entrée est toujours libre. Samedi 21, il y a une journée de visite paysanne, l'avenir à la campagne, point d'interrogation, organisée par Permabocage, de 10h30 à 13h30, à la ferme Permabocage, Le Pin, le lieu dit c'est Le Pin, 44 320 Chauvet. Voilà, donc là, il faut faire un petit peu de route, mais ça peut être intéressant. L'entrée est libre aussi. Et en plus, il y a un concert à la fin de la journée. Un concert pour en finir avec le travail de l'inconsolable à 20h à La Dérive. Du coup, La Dérive, par contre, c'est 1 rue du Guet-Robert à Nantes. L'accès aux festivités est à prix libre et au bénéfice de l'artiste. Dimanche, du coup, 22. Démission générale, c'est-à-dire un pique-nique de conclusion, organisé donc par le collectif qu'organisait cette semaine, de midi à 15h au Jardin des Ronces, donc Jardin des Ronces qui est au Vieux Doulon, arrêt cimetière, rue de la Papotière. Voilà, l'entrée est libre. Voilà, il y a une page Facebook si vous voulez plus d'informations. Et du coup, dans les infos qu'on avait zappées aussi, il y a la suite des rencontres interterroristes 2 sur la ZAD à la Grée. Et du coup, alors je crois qu'il y a un atelier rap le 20, le vendredi 20, et un concert le samedi 21 à partir de 19h30 à la Grée avec 4-5 groupes de rap au moins. Je ne vous détaille pas, vous pouvez aller voir du coup sur leur site, qui est zadinvendu.antirep.net. Voilà. Et un autre oubli, ce mardi 24 septembre, il y a une journée d'action interprofessionnelle, notamment pour la défense des du système de retraite, à l'appel de Solidaire et de la CGT, notamment. Et donc à Nantes, c'est à 14h devant le CHU, à Saint-Nazaire à 10h, donc à Saint-Nazaire, je ne sais jamais où c'est, mais bon, Saint-Nazaire, c'est pas non plus immense, vous ne pouvez pas non plus la rater. Et à Châteaubriant, c'est à 11h. Donc voilà. Donc c'est pour mardi prochain. Voilà, mardi 24. Pas celui-ci, mais celui-là. Mardi 24 septembre. assiéger le ciel, acheter les étoiles, gaspiller le sol et spéculer sur son système vagal. Que depuis la DSL qu'on s'enfile en intravénal, on est tous un peu immortels sur le réseau mondial. Je manque barre dans cette foule, camouflage ordinaire. Je nique vos caméras boules et ses clébards GPSR. Devant les garde-fous, vus du bas des buildings, les gargoulages de nafous, ils font clinquer leur chin-chin. Il faudrait quoi que ça me déclenche ces mêmes désirs disciplinés de grimper bon gré la hanche d'un édifice mal fixé. Mais c'est trop loin le sommet, mais je fatigue déjà. Même quand je leur promets qu'après c'est le nirvana, elles m'ont dit ce projet, Billy c'est pas pour toi. T'as pas le bon ticket, t'es pas dans ce wagon là. C'est l'attraction terrestre qui te cloue au plancher. Ta ration par trimestre, de raison entranchée. Faut pas que je me défenestre, une fois que je serai débranché sur les restes de ces rengaines bien pliées dans mon grenier. J'étais devant toi, tiens-toi debout, je te lâche la main dans l'escalier. Laisse être en barre, lâche ton croix rouge, je veux te voir crôler jusqu'à la bouée. Fais-moi tanguer ce bazar, où c'est que t'as vu bordel? Que dans les salles d'histoire, on descend en rappel. Le vide n'est jamais loin, si l'attaque option étanche, il gangrène par le coin. Sois le pilote de ta page blanche, j'écrirai dans la marge. Même quand tu auras plus de papier, t'inquiète qu'il m'en reste des faces de barge à te faire siroter. Si jamais je me perds le top, ce serait que j'ai pas pied. Là, tu sais pas si c'est trop haut, ça peut me donner envie de sauter. Haute voltige, grande déluge, déluré en délire. Je veux du vertige, faut que ça dure, que ça frise et fustige le pire. Déjouer le cours des choses en rafale de piston, ce sera au moins grandiose. Ça vaut pas le coup sinon, faut que ça me torgnole en bon branquignol. Façon grand guignol, que ça gondole quand ça décolle et que ça me colle comme la fat école. Et puis je m'emballe et je perds les pédales, je cale où mes freins font la malle et ça dévale à balle avant de faire mal. Ma plume se contracte, je me tétanise en plein envol. Sonner l'entraxe, c'est quand le sol, y'avait un pack avant que je déconne. Panne de courant dans l'ascenseur, le commandant est déserteur, rappelé par le couche de sapeur, dictateur de l'interrupteur. Il est tombé dans le trou de son self-made merdier, mais le petit coup de grisou, c'est le risque du métier. L'ennui pris sur le vif, aboyé d'autres éclats, comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut me donner envie de sauter. L'ennui pris sur le vif, aboyé d'autres éclats, comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut me donner envie de sauter. L'ennui pris sur le vif, aboyé d'autres éclats, comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. À marée basse, le marasme se démarque en marécage. Je démarre au quart de ton passe-passe, à marée au barreau de ma cage. Adage de ramage et plumage, n'amadouez pas dans leur sillage. Ni mon panache, ni son tapage, quand ils paradent dans les parages. Paré au décollage, les hélices s'affûtent, on fait son bricolage. On compte les minutes, si, si, je crois que j'ai capté le message. L'important c'est que ça bute, je l'ai déjà foiré l'atterrissage. Laisse-moi kiffer la chute, chute, chute. Bon, et bah j'ai pas beaucoup pris la parole ce soir, à part le texte que j'ai traduit du squat anarcho-féministe queer de Berlin. Du coup, je reprends la parole ce soir pour vous dire que, mine de rien, en fait, ce soir, c'était cool pour nous. Il y avait beaucoup de monde à côté, mais tant pis, c'est ça la vie un peu, quoi. Chez nous aussi, on a des voisins qui font chier des fois, voilà. Et du coup, c'était simplement pour vous dire bonne nuit, les cailloux. Captivité pas bon, tentative d'évasion, la prison quadrillée, niquée par les képis, des matons, des catis, quasiment déphasés, plaidoirie kamikaze, l'avocat dégoûté, lui manquait quelques cases, système pénitentiaire. Condamner l'accusé à purger l'eau de paix.